Pendant que Fabrice fait la cour à Fausta, les poursuites judiciaires suivent leur cours à Parme, où le ministre de la Justice, Rassi, fait tout pour faire emprisonner le jeune fuyard. La duchesse Sanseverina, entendant que son neveu va être emprisonné, annonce au prince qu'elle quitte son état. Le prince, qui pensait qu'elle viendrait demander grâce pour Fabrice, est tout étonné. Il admirait la duchesse, l'ensemble de sa personne atteignait en ce moment une beauté sublime. Le comte Mosca entre pendant l'audience et il est lui-même bouleversé de la décision de sa maîtresse. Celle-ci obtient la lettre de grâce de Fabrice sur laquelle le comte Mosca omet la phrase. Entre guillemets, cette procédure injuste n'aura aucune suite à l'avenir. Profitant de cette omission, le prince de Parme, vexé de s'être laissé mener, revient sur sa décision et mande son ministre de l'Intérieur pour qu'il arrête Fabrice s'il se présente à la frontière. Il apprend ensuite de Rassi que la sentence de 20 ans de prison a été votée contre Fabrice. Pendant ce temps, la marquise Raversi, ennemie de Mosca, écrit une fausse lettre à Fabrice, signée de la duchesse, lui demandant de venir la rejoindre à Castelnuovo, dans l'état de Parme.